Après 2 mois de confinement quasi planétaire, après des semaines de ralentissement de l'activité encore à prévoir, notamment suite à la nécessité de prolonger la distanciation physique, après un effort de recherche collectif jamais vu dans le domaine de la santé et de la compréhension du fonctionnement de ce virus émergent, au détriment peut-être de tous les autres domaines qui ont été mis plus ou moins en pause, après un bouleversement du mode de publication des études dans l'urgence, ou encore une exposition jamais connue du travail scientifique et de ses querelles dans les médias, comment la recherche va-t-elle sortir de cette épidémie ? Y aura-t-il, là comme ailleurs, la tentation du monde d'après ? Épidémie, confinement, quelles séquelles pour la recherche ? C'est le programme bouleversé qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique en direct. Et pour réfléchir ensemble à la façon dont cette crise inédite a changé et va continuer à modifier la façon de faire de la recherche à l'avenir, nous avons le plaisir de recevoir, comme toujours à distance aujourd'hui, Dorothée Berthomieu. Bonjour. Bonjour, enchantée. Enchantée, merci d'être avec nous. Vous êtes chimiste, directrice de recherche à l'Institut de chimie moléculaire et des matériaux à Montpellier, présidente du conseil scientifique du CNRS et membre de la commission administrative du syndicat national des chercheurs scientifiques, FSU. Bonjour, Hervé Schneweiss. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur au CNRS, directeur du laboratoire neurosciences à l'Institut de biologie Paris-Seine et président du comité d'éthique de l'INSERM. Et enfin, bonjour à Mathilde Maillard. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, vous êtes doctorante en deuxième année au laboratoire Mateis à l'INSA de Lyon et professeure vacataire et autrice du podcast Bien dans ma thèse. Pour commencer, eh bien, face à la crise, la ministre a pris la parole il y a quelques jours de cela pour faire plusieurs annonces. C'était sur notre antenne, dans la matinale de Guillaume Erner sur France Culture, le 23 avril dernier. Alors, ces crédits, ils vont permettre d'une part de rendre plus attractives les carrières scientifiques. Et donc, la première mesure qui a d'ores et déjà été annoncée, c'est le fait que plus aucun jeune chercheur ou enseignant-chercheur ne sera recruté en dessous de 2 SMIC. C'est aussi une revalorisation de l'ensemble des salaires qui est prévue dès l'année 2021. Et c'est aussi, bien sûr, des financements pour le fonctionnement de la recherche. Aujourd'hui, le budget de la recherche est de 15 milliards par an et notre objectif, c'est que dans 10 ans, ce budget soit de 20 milliards par an. Il y aura aussi une place particulière, notamment pour les doctorants. Nous avons augmenté le nombre de contrats doctoraux. Et d'ailleurs, je voulais aussi profiter de ce passage sur votre antenne ce matin pour dire aux doctorants qui sont actuellement en thèse que dans cette période particulière, j'ai décidé d'autoriser les organismes et les établissements à prolonger la durée des thèses, à prolonger les contrats doctoraux et leur financement. Ce sera le cas aussi pour les contrats post-doctoraux, pour tous les chercheurs, ingénieurs, techniciens qui sont actuellement sous contrat à durée déterminée. Et puis, il y aura aussi prolongation des financements de l'ANR de manière à ce que on puisse limiter au maximum l'impact de cette crise sur la recherche en général. Vous savez, on parle beaucoup de la recherche sur le Covid en ce moment. On ne se rend peut-être pas compte, mais c'est bien toutes les disciplines qui participent à cet effort pour nous aider à sortir de cette crise. Mais la recherche, c'est du temps long et il faut faire attention que l'ensemble de la recherche puisse continuer à être soutenu dans cette période. Voilà, Frédéric Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, dans les matins de France Culture le 23 avril. Peut-être un tour de table virtuel, hein, puisque vous êtes en ligne avec nous sur ces déclarations. Et on attendait effectivement beaucoup cette année blanche, en quelque sorte, de la recherche, c'est-à-dire la prolongation des contrats à durée déterminée et des doctorats en cours. Peut-être pour vous, Dorothée Berthomieu, pour commencer. Alors, est-ce que vous m'entendez bien d'abord ? Absolument, on vous entend parfaitement. Bon, alors, on a bien entendu le message de notre ministre et elle nous a écrit à tous dans un courrier qui nous a été envoyé hier pour nous remercier parce que il faut quand même pas, enfin, c'est agréable de savoir qu'elle nous remercie pour tous les engagements sans relâche qui ont caractérisé toute toutes les corps du métier de la recherche. Hein. Ça va des doctorants, ça va des personnels de soutien, des chercheurs, enseignants-chercheurs, etc. Et elle a fait une annonce qui a un petit peu étonné tout le monde, puisqu'elle prévoit effectivement de poursuivre, hein, d'autoriser les prolongations des thèses. Mais cette prolongation à 7 heures n'est pas associée à un financement. Donc, en fait, on est vraiment très interrogatif. Voilà. Donc, pour le monde d'après, on ne sait pas si ces prolongations seront accompagnées d'un financement. Mathilde Maillard, vous qui êtes doctorante en deuxième année, vous attendiez cette déclaration. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que c'est quelque chose de concret pour vous? Alors effectivement, au nom de tous les doctorantes et les doctorants, on attendait effectivement ce témoignage de Madame Vidal. Mais dans les faits, en menant nos petites enquêtes à droite, à gauche, auprès de nos écoles doctorales, etc., effectivement, il n'a jamais été question de financement. Pour les doctorants qui ont la chance d'avoir un financement ANR, donc l'ANR, c'est l'Agence nationale de la recherche, on a eu un mot daté du 12 mai qui, effectivement, l'ANR proposait une solution de financement. Mais pour tous les autres contrats, il se trouve qu'à l'heure actuelle, on ne sait pas, on est dans le flou total. Et après avoir discuté avec certaines écoles doctorales, on ne parle pas du tout de prolongement jusqu'à un an comme énoncé, mais plutôt des prolongements de l'ordre de 2 mois maximum. Donc pour l'instant, c'est vraiment le flou total pour nous. Hervé Schneweis, sur cette question du prolongement en tant que directeur de laboratoire, mais aussi peut-être on entend quelque chose que dit la ministre et qu'on a assez peu entendu dans les informations générales au quotidien, c'est limiter l'impact sur la recherche en général de cette crise aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a quand même une prise de conscience de votre tutelle que bien il va y avoir des conséquences et des conséquences peut-être lourdes sur la recherche en cours. Oui, ça, il faut faire le constat immédiat que les conséquences de la crise sont catastrophiques pour la recherche. C'est-à-dire qu'il y a eu une mobilisation de tous nos laboratoires quand il y avait la possibilité de travailler sur le SARS-CoV-2, sur le Covid, de différentes façons, que ce soit les virologues, que ce soit les immunologistes, ou que ce soit simplement certains de nos étudiants ou post-docs qui ont été prêtés main forte à l'hôpital, soit pour faire des tests PCR, soit pour d'autres actions. Mais tous les laboratoires se sont arrêtés, et dans des laboratoires expérimentaux, ça a été une catastrophe, parce qu'il a fallu, par exemple, sacrifier des milliers d'animaux, puisqu'on n'avait plus la possibilité pour le personnel de venir s'en occuper. Donc une catastrophe à la fois en termes d'avancée des recherches scientifiques, et ça impacte les jeunes d'abord, une catastrophe économique ensuite. Après, c'est ce qu'a dit ma collègue Berthemieux dès le début. Comme le dit très bien Elsa Triolet, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Alors on est très très heureux d'entendre des paroles et des promesses pour l'avenir. On est très très heureux d'avoir une loi de programmation sur 10 ans. Quand on regarde le budget 2020, je ne parle pas de ce qui va se passer après le Covid, mais ce qui s'était passé déjà avant le Covid, eh bien on aurait pu espérer qu'il y ait des actes qui accompagnent les paroles, c'est-à-dire un budget 2020 qui soit déjà en augmentation. Or, dans les laboratoires, dans les budgets que nous appelons récurrents, la dotation d'État, on a pu constater qu'ils étaient plutôt en régression qu'en progression. Est-ce qu'on va mieux payer les chercheurs entrants? Oui, tant mieux. Mais il y a tellement peu de postes qui sont mis au concours qu'on est dans une situation de pénurie et de misère. Donc la question, ce serait de commencer par les actes et après éventuellement commenter les actes, plutôt que de toujours faire des annonces et qu'on soit toujours dans l'attente. Alors ceci étant dit, l'ANR, l'Agence nationale pour la recherche, a annoncé avant-hier que effectivement elle prolongerait dans le temps les différents contrats, y compris les contrats de thèse, mais qu'elle donnerait aussi une extension budgétaire. Une fondation caritative, la Fondation pour la recherche médicale, va également annoncer une enveloppe budgétaire supplémentaire pour payer les doctorants, au moins, et probablement les postdoctorants aussi, pour la période d'interruption de leur activité à la cause du Covid-19. Mais enfin, ça ne représente qu'une toute petite fraction des doctorants. Mais le tableau que vous décrivez, Hervé Steinreich, on le connaît assez bien, puisqu'on en a parlé à de nombreuses reprises à ce micro. On a d'ailleurs évoqué avec la ministre elle-même cet état compliqué aujourd'hui de la recherche en France, qui est sous-financé. On ne va pas refaire finalement ce débat-là, ou en tout cas ce constat-là qui a été déjà fait avant la crise. Aujourd'hui, cette crise, elle aggrave encore un petit peu, parce que la ministre vous opposait, on entendait d'ailleurs dans l'extrait qui a été diffusé, bien justement une augmentation du budget de la recherche, une augmentation de 5 milliards sur 10 ans, la création de nouveaux postes doctoraux. On a entendu tout de même une volonté, ou en tout cas, alors peut-être que c'est une volonté d'affichage, je ne sais pas. La question, c'est qu'est-ce que vient changer? Est-ce que la crise actuelle vient bouleverser justement les efforts qui semblent avoir été investis par le gouvernement, avec notamment ce que je viens d'évoquer et tout ce qui est contenu dans la loi de programmation pluriannuelle de la recherche? Dorothée Berthomieu, sur cette question. Alors, en fait, c'est vrai qu'on peut tenir le discours qu'on tenait avant la crise et qui est toujours d'actualité, mais cette crise va nécessiter des besoins en plus. Et il n'est pas question de continuer à budget constant. Donc, c'est important de savoir si la NR prolonge, à quelle hauteur on pourra payer ces post-docs, etc. Donc ça, c'est important. Après, je voulais revenir un peu sur la déclaration de Madame la Ministre, parce que je trouve que c'est important de bien intégrer que cette crise met en avant que toutes ces recherches sont pluridisciplinaires. En fait, elles font appel à plusieurs disciplines et que c'est vraiment important de prendre en compte ça. Mmh. Et par exemple, de prendre en compte aussi, enfin, il y a un fait qu'on voit dans la presse, sur les antennes, qui est de dire oui, on va financer tel projet, donc on lance plein d'appels à projets sur le Covid, parce qu'évidemment on est tous dans l'attente de savoir, de pouvoir trouver des solutions, mais il faut pas oublier que toutes les recherches qui sont faites actuellement reposent par exemple sur les tests de PCR. Les tests de PCR, ils sont pas si vieux que ça. Et pourtant, ils sont très, très robustes et ils sont venus d'une recherche de long terme qui a progressé et qui a permis d'aboutir à ces tests. Enfin, donc, il y a des échelles de temps qui sont importantes de bien prendre en compte et la pluridisciplinarité donc qu'elle a évoquée et qui me semble important de rappeler ici. Voilà. Je vais reformuler peut-être ma question. Est-ce que vous pensez, Hervé Schneeweis, qu'il y a un avant et un après, que cette crise, outre les problèmes structurels énoncés du monde de la recherche et qu'on a identifié et que l'on connaît, est-ce que vous pensez que cette crise va provoquer ou doit provoquer un changement plus radical, une meilleure prise en considération effectivement budgétaire ou même en termes d'organisation? On va en reparler d'ailleurs. Alors, je pense que en termes d'organisation, oui, ça montre à quel point moi je vais dans le même sens que Berthomieu, au sens de la multidisciplinarité. Si on veut aboutir à quelque chose sur ce virus, il faut non seulement des spécialistes du virus, mais il faut aussi des immunologistes, il faut aussi des spécialistes des infections au plan clinique. Donc on voit qu'il y a tout un ensemble, toute une chaîne, une vision systémique qu'on doit avoir. Il y a aussi quelque chose de très important parce que on a vu que la compréhension par le public des mécanismes de la science et de la façon dont avance la science a été très difficile et même mis en scène par les chaînes d'information continue comme une espèce de cacophonie. On a vu aussi que le politique a fait appel aux scientifiques en tant qu'experts, mais selon les cas, s'en est éloigné, l'a utilisé, l'a parfois instrumentalisé, et dans d'autres cas, s'en est éloigné de façon assez radicale. Donc, quelle va être maintenant la vision de la démarche scientifique dans le grand public? Est-ce que certains battleurs de plateaux de télévision vont avoir le dessus sur une démarche des laboratoires qui est une démarche de longue haleine et une démarche difficile? Est-ce que la compréhension de la méthode scientifique, de l'incertitude qui va avec la méthode scientifique et du temps long nécessaire au développement des recherches va être bien comprise? Je crois qu'il faut réinitialiser, réinventer le dialogue entre les scientifiques et l'ensemble de la société, pas seulement le politique ou pas seulement le médiatique, et que là, il y a un appétit de connaissance, un appétit de savoir, un appétit de découverte, un appétit de faire autrement, dans lequel les scientifiques doivent avoir leur place, mais dans un dialogue bien compris avec le reste de la société. Et ça, ça peut changer. Et c'est effectivement un point important qu'on abordera plutôt et plus en détail dans la deuxième partie de cette émission. Mathilde Maillard, vous pensez-vous que cette crise a peut-être eu aussi l'effet d'un révélateur et pour le grand public et pour l'ensemble de la sphère politique qui n'a, comme vient de le dire Hervé Schneves, jamais autant juré que par l'expertise scientifique, pour se rendre compte qu'effectivement, non seulement il y a des mesures à prendre pour soutenir la recherche en France, mais peut-être des mesures supplémentaires pour bien encaisser cet impact que décrivait la ministre de cette crise sur l'ensemble de la structuration de la recherche en France. Oui, tout à fait. Je pense que... pour beaucoup de doctorants et de membres dans la recherche, parfois quand on est au restaurant et qu'on dit « oui, moi je fais de la recherche », parfois les gens ils cherchent même pas à aller plus loin et à nous poser d'autres questions. Quand on était au restaurant. Oui, pardon. Vivement qu'on y retourne. Mais oui, effectivement, là je pense que tout le monde se rend compte que la recherche, ça fait avancer un pays sur beaucoup d'aspects. Et justement, on a vu naître énormément de sondages, énormément de d'études comportementales, sur les répercussions psychologiques qu'il y a eu. Je pense que la recherche s'est vraiment réveillée et encore plus dans la pluridisciplinarité, comme ont dit mes deux collègues. Tout le monde travaille ensemble et il y a une réelle volonté que toutes les disciplines fassent avancer les choses, et ça, je pense que tout le monde s'en rend compte de plus en plus. Et nous, en tout cas, en tant que doctorants, on s'est vraiment rendu compte qu'on avait tous un rôle phare à jouer, peu importe nos domaines, et que tous les domaines de recherche font avancer les choses, quoi. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h18, nous parlons donc de l'impact, des séquelles que peuvent laisser cette crise sanitaire sur la recherche et sur la structuration de la recherche. Nous en parlons avec Dorothée Berthomieu, Hervé Schneves et Mathilde Maillard. Mathilde Maillard, j'aimerais revenir avec vous vraiment sur quelque chose de très très concret. Concrètement, je rappelle que vous êtes en deuxième année de doctorat dans le laboratoire Mathéis à l'INSA à Lyon. Concrètement, qu'est-ce que ça a changé pour vous, ces deux mois de confinement, cette épidémie, dans vos travaux et dans l'avancée de vos études ? Alors, tout d'abord, il faut savoir que, comme vous vous en doutez, selon le domaine de recherche dans lequel on se trouve, on n'a pas tous été impactés de la même façon. Et en plus, selon l'année dans laquelle on se trouve dans notre doctorat, on n'a pas tous été impactés de la même façon. Cependant, peu importe qu'on soit au début, au milieu ou à la fin d'une thèse, on a tous été impactés. Moi, étant donné que je suis dans le domaine des matériaux, je suis vraiment dans un domaine expérimental. Et effectivement, le fait de ne pas aller au laboratoire, ça m'a vraiment mis des bâtons dans les roues pour avancer dans mes projets. Par contre, voilà, j'en ai profité pour explorer de nouveaux horizons. J'ai appris à coder. On s'est soutenu avec beaucoup de doctorants dans la France entière. Et ça nous a aussi permis de prendre vraiment du recul, de prendre de la hauteur sur nos sujets de thèse. Bien évidemment, la reprise est très difficile. Pour l'instant, on ne parle pas de présentiel tous les jours de la semaine au laboratoire. Et ça va pas être seulement deux mois qui vont nous manquer en expérimental. Ça va être certainement 3, 4, 5 mois selon ce qui va se passer. Et voilà, c'est assez compliqué. Mais on essaye de pallier ça au fait de d'avancer sur de la recherche bibliographique, sur écrire des articles ou apprendre de nouvelles choses. Ça veut dire un an d'études en plus dans votre parcours professionnel? Vraisemblablement. Alors, j'ai encore du mal à estimer combien de temps il me faudrait en plus, mais de l'ordre de 6 mois, je pense, oui. Parce qu'il faut préciser pour les auditrices et les auditeurs que normalement, évidemment, ça dépend des spécialités, etc., mais dans la deuxième année de thèse, c'est vraiment le moment où vous devriez être en labo en permanence. Vous devriez avoir les mains dans les manips tout le temps. Exactement. Nous, c'est vrai que dans les thèses expérimentales, donc plutôt les sciences dures, on est surtout en deuxième année, on est tout le temps au laboratoire en train de faire des expériences et donc on va générer des résultats. Moi, par exemple, je ne peux pas rédiger ma thèse sans avoir les résultats en amont. Donc effectivement, au bout d'un moment, sans résultats, sans expérience, je me retrouve bloquée pour, en tout cas, rédiger ma thèse. Dorothée Berthomieu, même question pour vous, dans votre carrière professionnelle de chercheuse. Qu'est-ce que ça a modifié? Est-ce que ça a modifié des choses? Vous êtes plutôt sur la modélisation, donc normalement, on imagine que le télétravail est plus facile pour vous que pour d'autres types de recherches, mais peut-être pas. Alors en fait c'est particulier parce que effectivement c'est de la modélisation, donc entre guillemets je peux travailler en télétravail, mais j'utilise des ressources de calcul sur les centres et de calculs nationaux qui sont connus, c'est l'IDRIS et le CINES à Montpellier, et ces centres ont dédié une grosse partie de leur potentiel de calcul aux recherches qui étaient tournées sur le Covid, donc en fait les accès étaient un petit peu, enfin allaient un peu plus lentement. Mais à part ça, donc un peu de ralentissement de ce côté-là, mais c'est comme tout le monde. Après, tout ce qu'on faisait prenait beaucoup plus de temps parce qu'il y avait beaucoup de séances par visioconférence qui prennent beaucoup de temps. Il faut aussi garder le contact avec tous les collègues. Donc ça a pris beaucoup, beaucoup de temps et c'est très, ça prend beaucoup de temps tout ça. Voilà. Oui, vous voulez rajouter quelque chose? Non, pas particulièrement. D'accord. Mais il faut garder le contact avec les jeunes, les doctorants, les post-docs. Et ça, c'est important d'organiser des conférences. Donc, on a fait beaucoup de choses comme ça pour garder le contact. Hervé Schneweis, de votre côté, en tant que directeur de laboratoire, vous avez beaucoup de monde qui travaille sous votre responsabilité. Vous disiez que vous, justement, un peu comme Dorothée Berthomieu, ces visioconférences de 8h du matin à 8h du soir, ça a été visioconférence tous les jours, tout le temps? Ah ça a été vraiment c'est toujours un marathon qui effectivement commence souvent à 8h le matin et se termine plutôt à 10h le soir. Et effectivement, il y a tout un lien qu'il faut maintenir, il y a toute une série d'activités de type exploitation des résultats ou de type modélisation que nous pouvons faire, mais vous imaginez bien que dans un laboratoire de neurosciences, tout particulièrement quand on étudie le comportement chez l'animal, nous, notre animal, en général, c'est des souris ou c'est des ou différents animaux qui vont depuis le poisson zèbre jusqu'au rat, eh bien, il faut des mois pour produire des animaux qui sont des animaux complexes, dans lesquels on est capable d'activer ou d'inactiver un gène spécifiquement dans une partie du cerveau grâce à des croisements entre ces animaux. Il faut plusieurs générations et plusieurs mois pour les avoir. Ensuite, pour faire le comportement, il faut les entraîner. Et là, il faut encore plusieurs semaines d'entraînement. Donc, c'est 6 mois de travail qui a été perdu au moment du confinement. Et il faudra maintenant, avec la progressivité qui a déjà été mentionnée par Mathilde Maillard, parce que les laboratoires ne sont pas faits pour la distanciation physique, c'est souvent des pièces exiguës. Vous imaginez que pour aller à un microscope, on ne prend pas des pièces de 20 mètres carrés et qu'il va falloir désinfecter entre chaque personne qui utilise le microscope. Eh bien, il va falloir maintenant au moins 6 mois de redémarrage pour arriver à se replacer dans les circonstances dans lesquelles on était au mois de mars. Donc, c'est un impact très, très fort sur l'avancement de nos recherches qui portent sur des maladies du système nerveux allant depuis la maladie d'Alzheimer jusqu'à des formes d'autisme ou de schizophrénie. Ce que vous décrivez, en l'occurrence, effectivement, c'est vrai pour... Il y a un auditeur qui nous le signale sur notre fil Twitter, @laméthodefc, qui dit ce qui est vrai pour en expérimentation animale, c'est aussi vrai en expérimentation végétale. C'est-à-dire qu'on a été... tous les spécimens décèdent ou sont euthanasiés. C'est ce que vous avez dû faire dans votre laboratoire, Hervé Schneweis. Vous avez dû euthanasier l'ensemble des souris sur lesquelles vous travaillez. Ah oui, ça a été un drame personnel pour tous les chercheurs du laboratoire, parce que c'est des centaines d'animaux qu'il a fallu sacrifier, et c'est non seulement voir partir en fumée ce travail, mais aussi les animaux, on a un sentiment et c'est quelque chose de terrible de devoir sacrifier tous ces animaux. Alors, on va pas, au regard de toutes les autres misères sur le monde, on va pas s'appesantir sur les nôtres. mais il faut bien voir que c'est un tsunami qui n'a jamais été vu de mémoire de chercheurs dans les laboratoires. Et puis, on peut évoquer certains pans de la science qui, pour le coup, ont été purement et simplement mis à l'arrêt. Je pense notamment à l'astrophysique, les télescopes, les observatoires bien ont fermé, ont mis la clé sous la porte. Donc, ça veut dire plus d'observation du ciel. Ça veut dire qu'on est sur des pans de science. Ça peut être vrai aussi pour tous les gros équipements scientifiques. C'est vrai pour les accélérateurs de particules. On a aujourd'hui, Dorothée Berthomieu, une idée, même lointaine, un aperçu de ce que ça peut, on voit bien de ce que ça peut coûter en temps, mais aussi finalement en argent, parce que tout ça c'est de l'argent qui disparaît aussi dans un milieu dont on ne cesse de répéter qu'il est déjà sous-financé. Alors, à ce jour, on n'a pas encore d'idée, on n'a pas du tout de chiffrage d'ailleurs, mais les reprises sont vraiment très très douces, c'est-à-dire que les laboratoires reprennent au maximum à 15%. Donc, pour dire qu'on n'a pas encore de chiffrage, on ne peut pas encore chiffrer, par exemple, s'il y a un appareil qui n'est pas refroidi, comment on va le retrouver? Est-ce qu'on va réussir à le faire redémarrer? Enfin, il y a plein de questions pratiques qui vont se poser, hein, ça c'est certain, mais donc ça va coûter cher. Voilà. Alors pour essayer de Hervé Schneweis. Le coût sera en millions d'euros. Le CNRS est en train de faire une enquête auprès des différents laboratoires pour évaluer le coût de l'interruption. Et voilà, rien que dans notre laboratoire, ce sacrifice des animaux, le redémarrage ou d'autres expériences qui ont été perdues, le fait qu'on a donné tous nos masques, tous nos gants, tout notre équipement de protection et qu'il faut réacheter tout ça, puisqu'on a mis gracieusement à disposition, bien évidemment, des hôpitaux, tout le matériel qui pouvait être utile pour les hôpitaux qui sont associés à nos universités. Eh bien, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros pour chacun des laboratoires du CNRS qui a été perdu dans cette crise du Covid. Donc, à l'échelle du CNRS, probablement, à l'échelle du CRS comme à l'échelle de l'INSERM ou de l'INRA et des différentes universités, c'est plusieurs millions, voire dizaines de millions d'euros qui ont été perdus. Alors, on va essayer de se dire ou de voir, pour ne pas ne regarder que la partie noire de ce tableau, ce que cette crise a peut-être aussi changé en bien. Et notamment, on peut relever l'effort de recherche collectif extrêmement rapide qui a été développé autour justement de la recherche biomédicale dans les différents secteurs que vous mentionnez autour de la Covid-19. Puisque, je vous le dis, je vous le répète, on essaye d'instaurer la Covid, donc faisons tout cet effort collectif. L'Académie tient à la Covid. On y tenait un peu aussi au début à France Culture, puis on s'est laissé déborder. Bref, peu importe. La maladie à coronavirus, donc la Covid. Je pense par exemple à l'ANR qui a lancé cet appel d'offres flash de recherche qui était au départ pas très bien financé, mais qui a réussi tout de même à dégager 14,5 millions de recherches immédiates pour encourager des projets de recherche là-dessus. Le président de la République qui tout de même a rajouté 5 millions sur 10 ans au budget de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il y a tout de même peut-être une prise de conscience de l'importance de l'aspect absolument essentiel de la recherche scientifique dans un pays. Une importance qui n'était peut-être même pas très bien identifiée, pas seulement par les décideurs politiques, mais aussi par le grand public. Mathilde Maillard, qu'en pensez-vous ? Vous voulez que je vous parle des points positifs, c'est ça? Je sais pas, j'essaye de ne pas regarder que la partie noire du tableau et de dire qu'il y a aussi des changements qui peuvent se faire pour du mieux. Ah, mais moi, alors, je peux vous en dire plein des points positifs. Je vous écoute. Je trouve que, effectivement, comme vous l'avez très bien souligné avant, il y a eu un effort de communication qui s'est fait entre les membres des laboratoires avec les jeunes. Donc, j'ai tout plein d'exemples de laboratoires qui ont mis en place des plateformes collaboratives de messagerie instantanée pour prendre des nouvelles de leurs doctorants, post-doctorants, etc. Il y a beaucoup de réunions virtuelles qui sont faites, mais pas juste pour parler du boulot, pour prendre des nouvelles. Donc je pense que ça va considérablement changer l'esprit, l'ambiance de certains laboratoires. Bien évidemment, c'est pas comme ça dans tous les labos, hein, on en est conscient, mais je trouve que voilà, il y a eu beaucoup de choses. Et donc pour parler un peu d'initiative personnelle, on a mis en place un Discord. Donc un Discord, c'est une plateforme collaborative de messagerie instantanée avec plein de doctorants de toute la France et dans tous les domaines. Et là, à l'heure actuelle, on est plus de 1000 participants. Et donc, depuis le début du confinement, on travaille ensemble, on apprend ensemble. Et ce qui est vraiment rigolo, c'est que on est des doctorants de tous les domaines, donc SHS, maths, physique. Et en fait, on se retrouve tous ensemble à vivre la même chose. Et je pense que c'est super important parce que, à mes yeux, la science de demain, elle est considérablement pluridisciplinaire. Et une crise comme on vient de la vivre, ça va nous marquer. Et je pense qu'on va faire une recherche différente après. Et je précise bien que c'est 5 milliards hein, sur 10 ans et pas 5 millions. J'ai parlé un peu trop vite. Déjà que 5 milliards, on estime que c'est pas beaucoup. Alors si c'était que 5 millions sur 10 ans, ce serait encore moins. Dorothée Berthomieu, justement, non seulement sur ce coup de projecteur de l'importance de la science, et puis surtout, peut-être qu'on peut aussi relever la façon dont la recherche biomédicale, et notamment en France particulièrement, s'est mobilisée avec une grande rapidité, une grande efficacité dans différents instituts de recherche, dans différents laboratoires, pour concentrer un effort de recherche considérable sur ce virus émergent. Alors ça, c'est un peu le texte de la ministre, justement, où elle écrit « Vous vous êtes engagé sans relâche et je pense que vous n'avez pas ménagé vos efforts et c'est une réalité. » Vraiment, les chercheurs se sont engagés, ont fait tout ce qu'ils ont pu dans leur discipline pour contribuer à gérer au mieux cette crise de toutes les façons différentes. Donc ça, c'est vraiment l'aspect qu'on relève. Et je pense que pour l'après-recherche, alors c'était votre question au tout départ, je pense que la place du scientifique sera différente, mais je pense qu'il faut vraiment qu'on éclaircisse le rôle du scientifique parce qu'il y a eu pas mal de malentendus dans les discours. Et il faudrait vraiment clarifier ça. Le scientifique, voilà, je ne sais pas à quel moment. On va en reparler dans un instant, justement, du dialogue entre la science et la société. Hervé Schneweis, un mot, justement, sur cette capacité de mobilisation, sur la réalisation, la prise de conscience. On se souvient du premier discours du président de la République aux citoyennes et aux citoyens français où il a répété 5, 6, je ne sais plus combien de fois le mot science scientifique pour expliquer que chacune de ces décisions était précisément motivée par un éclairage scientifique qu'il avait obtenu. Oui, ça c'est quelque chose qui est formidable. Alors, il faut voir que c'est vraiment l'histoire de nos sociétés démocratiques. Depuis la première révolution anglaise, depuis Francis Bacon, l'idée qu'il faut un gouvernement éclairé, que ce gouvernement éclairé doit l'être par une rationalité appuyée sur des évidences, c'est-à-dire par des faits qui sont rapportés par la science, est quelque chose d'essentiel et qui s'est développé de façon accélérée, surtout dans les pays anglo-saxons, depuis la Seconde Guerre mondiale. On voit aujourd'hui que pour prendre des décisions, que ces décisions soient politiques ou que ces décisions soient collectives, on a besoin de l'information qui est apportée par la science. Mais on voit que ça ne suffit pas. Vous voyez bien que le GIEC, depuis maintenant 20 ans, informe des résultats scientifiques sur les modifications du climat et sur le rôle de l'anthropocène, de l'intervention de l'homme sur les modifications du climat. Et ça ne suffit pas à réellement motiver les uns et les autres dans leur changement de comportement et dans l'exigence que nous pourrions avoir en tant que citoyens d'un changement de nos politiques. Alors, devant l'urgence de la crise, je suis extrêmement heureux que notre président et que notre gouvernement se soient entourés d'un avis scientifique, d'autant plus que les scientifiques qu'ils ont appelés à côté d'eux sont des grands scientifiques. Deux conseils, hein. Il y a le conseil scientifique et le CAIR, présidé par... Les uns comme les autres, aussi bien Jean-François Delfrécy que Françoise Barissine aussi. Depuis très, très très longtemps, qui s'est toujours engagé tout au long de sa vie, depuis le sida jusqu'à Ebola, est un spécialiste de ces questions. Françoise Barré-Sinoussi aussi a reçu le prix Nobel pour ses travaux sur la découverte du VIH. Donc, il s'est très bien entouré. Et il aurait été encore mieux que le conseil scientifique, en plus de s'exprimer devant le politique ou d'informer le politique, engage, et Jean-François Delfrécy en a parlé, un dialogue aussi avec les citoyens pour discuter avec les citoyens de la meilleure manière de lutter contre ce virus au regard des faits que nous avons ou que nous avions au fur et à mesure. Parce que la controverse qu'il y a pu y avoir sur les masques, sur la distanciation qui a été appelée regrettablement distanciation sociale, alors qu'il faut que ce soit une distanciation physique et surtout pas une distanciation sociale. Mathilde a parlé il y a quelques instants du lien, au contraire, qui s'est créé entre beaucoup de doctorants. Et donc, comprendre aussi que le public comprenne bien les incertitudes, pourquoi ces incertitudes et pourquoi il faut du temps pour arriver à résoudre ces incertitudes et pourquoi il faut une méthode pour arriver à résoudre ces incertitudes. Et cette méthode scientifique, cette discussion autour de la manière dont on construit une rationalité et dont on construit une stratégie et une voie pour arriver à un résultat, j'espère que ce dialogue, il va être initié, mais qu'on est qu'au début de la route. Et on va discuter justement de ce qui a changé dans le lien entre les scientifiques et le grand public. On va parler aussi de ce qui a changé dans la façon de faire de la recherche à ce rythme-là, avec cette pression et cette exigence de résultats-là, dans un instant. Lonesome friends of science say the world will end most any day. Well, if it does, then that's okay, 'cause I don't live here anyway. I live down deep inside my head, where long ago I made my bed. I get my mail in Tennessee, my wife, my dog, and my family. Now poor old planet Pluto now, he never stood a chance nohow. When he got uninvited to the interplanetary dance, once a mighty planet there, now just an ordinary star, hanging out in Hollywood in some old funky sushi bar. The lonesome friends of science say the world will end most any day. Well, if it does, then that's okay, 'cause I don't live here anyway. I live down deep inside my head, where long ago I made my bed. I get my mail in Tennessee, my wife, my dog, and my kids and me. The Vulcan lives in Birmingham. Sometimes he just don't give a damn. His head is full of bumblebees, his pride hangs down below his knees. Venus left him long. The Lonesome Friends of Science de John Prine sur France Culture à 16h40. Nous parlons des conséquences de la crise sanitaire sur l'organisation de la recherche, mais aussi sur le lien entre les scientifiques et le grand public, ou les liens aussi également, je pense qu'on va l'évoquer, entre les scientifiques et les politiques. Nous en parlons avec Dorothée Berthomieux, qui est chimiste, directrice de recherche à l'Institut de chimie moléculaire et des matériaux à Montpellier, présidente du conseil scientifique du CNRS et membre de la commission administrative administrative du Syndicat national des chercheurs scientifiques FSU, avec Hervé Schneveis, qui est enseignant-chercheur au CNRS, directeur du laboratoire neurosciences à l'Institut de biologie Paris-Seine et président du comité d'éthique de l'INSERM, et Mathilde Maillard, qui est doctorante en deuxième année au laboratoire Mataïs à l'INSA à Lyon, et professeure vacataire et autrice du podcast Bien dans ma thèse. Pour repartir sur cette conversation, on parlait juste avant la pause musicale de l'effort très intense et très puissant de recherche qui a été développé de nombreuses équipes pluridisciplinaires autour de cette épidémie. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi des leçons à tirer de ce qui a pu se produire à une autre échelle et certainement dans une moindre mesure lors d'épidémies précédentes? Par exemple, Bruno Canard, qui est un éminent virologue qui travaillait sur les coronavirus et notamment sur l'épidémie précédente de SRAS, qui a vu, c'est une fois l'épidémie passée et donc la menace éloignée, ses financements et ses moyens réduire et comme peau de chagrin. Et Bruno Canard dit, voilà, on sait mettre le paquet en cas d'épidémie et après on oublie. Est-ce que c'est encore aujourd'hui un risque que vous voyez poindre les uns et les autres? Dorothée Berthomieu. Je dirais que c'est peut-être ça qu'on espère, on aimerait bien que ça change, ça, parce que il est dans la tête de beaucoup de personnes et de nos politiques qu'il faut financer sur projet, finalement. C'est ça qui a beaucoup changé dans le paysage de la recherche. Et ce que révèle Bruno Canard, c'est que financer sur des projets, c'est pas du tout efficace, parce que, et c'est un petit peu ce que je disais en introduction, je veux dire, la recherche, elle avance, c'est un front de connaissances qui avance, et il avance parce qu'on remet en question, on avance sur des tas de sujets différents, et que c'est très difficile de prévoir à l'avance ce qu'il faudra financer. Parce que le Covid, on pouvait pas prévoir qu'il fallait travailler dessus. Par contre, si on avait permis à Monsieur Canard de travailler et de continuer ses recherches, peut-être qu'on en saurait beaucoup plus. Parce que lui, il avait vu, parce que c'est un chercheur et qu'il sait, il sait l'exigence de son travail, et il sait s'interroger, poser les bonnes questions et les questions qui concernent tout le monde. Voilà. Mathilde Maillard, c'est effectivement une sorte de paroxysme de cette recherche sur projet qui est très encouragée, et pas uniquement par le gouvernement actuel, depuis un certain nombre d'années, de mettre le paquet sur un secteur de la recherche parce qu'on pense à tel moment ou à un moment T qu'il est prometteur et que il peut déboucher très vite à des applications concrètes au détriment de ce qu'on appelle la recherche fondamentale. Oui, tout à fait. Alors moi, pour préciser, je suis dans le domaine de l'impression 3D, donc ça tombe à pic parce qu'effectivement, c'est un sujet à la mode. Et effectivement, il y a énormément de projets qui sont alloués pour la recherche dans l'impression 3D. Depuis plusieurs années, ça fait que monter d'année en année. Et effectivement, au sein de notre laboratoire, on se rend compte qu'il y a une véritable volonté à travailler sur des sujets à la mode. Et je pense que ça, c'est pareil dans tous les domaines, que ce soit sciences sociales ou nous en matériaux. Vraiment, les sujets à la mode ou ce qui fait parler ou vendre, c'est sûr que on arrive plus facilement à trouver des financements. Donc que ce soit des financements régionaux ou même nationaux, c'est vrai, oui. Hervé Schneveis, est-ce que ça n'est pas justement l'horizon de l'écueil qui peut attendre justement cette recherche extrêmement concentrée sur des secteurs très particuliers en fonction bien de l'ère du temps ou de la volonté politique qu'il peut y avoir derrière? Alors je serais un peu plus positif. D'abord, il faut voir qu'on apprend quand même au fur et à mesure des différentes crises. À partir de la crise Ebola qui a sévi en 2015, l'INSERM avec d'autres a mis en place un consortium qui s'appelle REACTING, qui était présidé par Jean-François Delfrécy justement, et qui est justement une structure de crise pour être capable de réagir aux épidémies, et qui est une structure multidisciplinaire, c'est-à-dire qui non seulement comportait des médecins et des chercheurs en biologie, mais aussi des chercheurs en sciences humaines et sociales, parce que on avait vu que quand les équipes soignantes avaient commencé à intervenir sur le terrain pour Ebola, elles avaient été rejetées par la population parce que un certain nombre de codes, un certain nombre de principes n'étaient pas respectés. Et donc, on avait déjà vu qu'il fallait avoir une approche systémique de l'épidémie. Et ce consortium Reacting a, dès le mois de février, commencé à travailler sur la Covid-19 pour pouvoir commencer à mettre en place, et avec le soutien de la Fondation pour la Recherche Médicale, qui a aussi soutenu une partie des projets de l'ANR Flash, on a pu très rapidement développer des choses. L'autre élément positif, c'est qu'on voit avec la Covid-19 qu'on est en face de plusieurs maladies. On est en face d'une maladie virale avec une charge virale, et ça, il y a des traitements qui essayent de diminuer la charge virale. Mais on voit aussi qu'on est devant une maladie inflammatoire de type immunitaire quand il y a l'orage cytokinique, et que là, il nous faut d'autres spécialistes qui sont des immunologistes, et il y aura des retombées, en particulier dans le domaine du traitement des cancers, des travaux qui seront faits sur la Covid. Donc, j'espère, et je crois que la prise de conscience qu'il faut une approche multidisciplinaire, il faut des spécialistes de l'épidémiologie pour être capable de modéliser l'épidémie, des spécialistes des virus, de l'infectiologie, des spécialistes de la réponse immunitaire de l'hôte, donc des immunologues. Et ça, c'est l'illustration même, en plus du fait qu'il faut aussi des sociologues et des philosophes pour essayer de comprendre pourquoi les gens mettent un masque ou n'en mettent pas, pourquoi les gens respectent les mesures barrières ou ne les respectent pas. Vous voyez, cette vision systémique qu'il faut avoir de la santé d'une façon générale, je pense que ça sera un acquis de cette crise. En tout cas, c'est la première marche et il faut surtout continuer dans cette direction. Et alors, pour parler de quelque chose qui, pour le coup, a modifié très concrètement la marche naturelle de la science et de la publication scientifique, j'aimerais vous entendre les uns les autres sur cette abondance de préprint. Alors, je vais rappeler un peu pour nos auditrices et nos auditeurs de quoi il s'agit. D'habitude, les études sont publiées dans des revues à comité de lecture, à facteurs d'impact, des revues comme Nature, Science, pour citer, ou The Lancet, ou The New England Journal of Medicine, pour citer les plus célèbres. Or, ça prend du temps puisque l'étude est envoyée. Il y a un comité de lecture de gens dans le même domaine mais qui sont anonymes, qui lisent, qui corrigent. C'est renvoyé au laboratoire qui doit apporter des modifications, etc. Bon, c'est un processus qui prend plusieurs mois. Or là, évidemment, compte tenu de l'urgence sanitaire, tout ça n'est pas possible. Les revues à comité de lecture ont essayé d'ailleurs d'accélérer ce processus mais sans y arriver trop, même si on peut noter le fait que Science a publié l'article qui présentait la structure de la fameuse protéine de surface, la protéine Spike du SARS-CoV-2, seulement 9 jours après avoir reçu le papier. Et donc, pour pallier ceci, il existe des sites qui sont des sites de prépublication sur lesquels les chercheurs peuvent déposer leurs travaux sans qu'ils ne soient revus par des pairs. Et aujourd'hui, on assiste à une explosion de ces sites de prépublication. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que c'est quelque chose qui doit se maintenir ? Est-ce que c'est juste quelque chose pour pallier l'urgence ? Quel est votre sentiment sur cette explosion des préprints, Mathilde Maillard ? Alors moi forcément en tant que doctorante, on trouve que les délais de review de nos articles sont très longs, donc c'est sûr que c'est un processus long et fastidieux. Néanmoins, il est nécessaire parce que c'est normal que nos travaux soient revus par nos pairs et c'est important. Bien évidemment, dans un contexte de crise comme on est en train de le vivre, j'ai pas trop mon avis là-dessus parce qu'étant donné que je travaille pas dans un laboratoire de virologie ou etc., nous on a surtout été invités à faire des reviews scientifiques dans un domaine bien particulier, à prendre le temps d'écrire nos articles. Donc j'ai pas été confrontée à cette urgence de devoir absolument publier des travaux. Après, mon avis personnel, c'est que il faut quand même un comité de review minimum, je trouve, de mon point de vue, pour éviter ne serait-ce que les coquilles ou que les graphes soient justes, les unités bonnes, voilà. Dorothée Berthomieux, il y a évidemment les préprints. On a vu aussi parfois des revues publiées à la va-vite dans des revues à faible facteur d'impact dont les responsables éditoriaux font partie de l'étude en question. Donc ce qu'on pourrait aujourd'hui considérer très clairement comme de la malscience ou en tout cas des contournements ou des publications un peu hasardeuses pour utiliser un euphémisme. Moi, je suis pure, enfin, mon attitude est différente parce que je pense que les scientifiques développent une stratégie qui est, ce qu'on appelle la méthode scientifique, et que finalement, on sait qu'un travail, s'il n'est pas revu, critiqué, controversé, enfin, tous les travaux sont examinés à la loupe par pas mal de chercheurs finalement, et le consensus aboutit au bout de ces processus et ça prend du temps, voilà. Donc mais cette méthode scientifique, on sait qu'un préprint, c'est un préprint, voilà. On le prend avec des nuances, voilà. Mais cette méthode scientifique, elle a été assez vertement critiquée en disant nous sommes en situation d'urgence sanitaire, la méthode scientifique, le consensus, c'est pétain, pour reprendre les mots d'un célèbre chercheur présent sur un certain nombre de plateaux télé. Oui, mais je pense que le temps pour un scientifique est pas le même que pour un médecin. Enfin, on est obligé d'intégrer si on veut atteindre à un moment donné la vérité scientifique, il faut prendre le temps de valider, d'échanger. Et les chercheurs sont des gens comme tout le monde. Ils peuvent faire des erreurs, ils ont des caractères parfois différents. Mais le travail, la méthode scientifique, elle, elle est incontournable et c'est une stratégie qu'il faut valider toujours. Enfin, voilà. Hervé Schneeweiss, là-dessus, sur les préprints, sur la nécessité de publier dans l'urgence, de contourner les revues à facteur d'impact, qu'en pensez-vous ? Je crois qu'il faut dissocier plusieurs choses. La première chose, c'est ce qu'on appelle le mouvement de la science ouverte. Donc l'existence d'archives ouvertes, comme BioArchive ou MedArchive, dans lesquelles les articles scientifiques sont déposés avant leur publication dans des revues. Ce sont les sites de préprint dont je parle. Voilà. Et ce mouvement de la science ouverte, il est en route depuis plusieurs années. Il est d'ailleurs largement soutenu à l'échelle européenne. Et la France s'est engagée dans ce mouvement et notre ministre s'est engagé dans ce mouvement. Et c'est une bonne chose. Alors pourquoi est-ce que c'est une bonne chose ? Parce que Dorothée Berthomieux l'évoquait à l'instant, la crise de la reproductibilité. C'est-à-dire que ces dernières années, on a vu se multiplier un certain nombre d'articles, y compris dans des revues prestigieuses à fort impact facteur, qu'il n'était pas possible de reproduire parce que les informations qui étaient fournies avec l'article ne permettaient pas vraiment une critique suffisante et on ne pouvait pas, dans un autre laboratoire, reproduire les données qui avaient été obtenues. À partir de là, il faut que non seulement l'article, sous sa forme digérée, sous sa forme interprétée, soit mis à disposition, mais que les données de l'article, les résultats scientifiques obtenus, soient mis à disposition. Et ces archives ouvertes le permettent. Ensuite, c'est une nouvelle méthode qu'on apprend et effectivement, il faut faire la différence entre un préprint qui n'a pas encore été analysé, critiqué, et puis l'interprétation et les critiques qui peuvent être faites des résultats obtenus. Et maintenant, il y a de plus en plus de revues, la revue de Lembo, par exemple, les revues Frontiers, qui publie en même temps que l'article, quand il est accepté par les pairs, les critiques qui ont été formulées par ses pairs. Avant, on avait une critique anonyme qui permettait parfois des règlements de compte, ou au contraire des acceptations de l'article de façon un peu trop copinage. Là, maintenant, on va vers quelque chose qui est beaucoup plus transparent, qui est beaucoup plus ouvert, et je pense que la science a tout à gagner. Non pas à la vitesse, non pas à l'accélération, mais à la transparence et à la mise à disposition de toutes les données qui ont été obtenues dans le cadre d'une recherche particulière. Pour conclure par un dernier tour de table sur une dernière question, justement sur ce fameux lien entre les scientifiques, les chercheuses et les chercheurs et le grand public, on voit que au cours de cette crise sanitaire, il y a plusieurs choses qui ont été mal perçues, mal comprises. Il y a des débats qui ont été créés, qui ont été amenés sur la place médiatique et dont le grand public s'est saisi. On n'a pas compris certaines évolutions de la science ou de la connaissance autour de la maladie, notamment par exemple sur le potentiel infectieux ou non des enfants. On a l'impression que la science a été manipulée ou en tout cas a été un peu utilisée par le politique pour servir des fins électoralistes ou en tout cas politiques. Qu'en pensez-vous? Est-ce que il y a des leçons à tirer justement de cette confusion scientifique qui a été mal perçue, mal comprise par le grand public? Dorothée Berthomieu. Moi, je dirais que cette crise a permis de mettre en évidence l'importance du scientifique, mais il est important que le scientifique ne soit pas qualifié de décisionnaire, comme on a eu parfois des messages qui ont un petit peu permis des confusions et qui étaient vraiment pas utiles et contre-productive. Alors que la société tout entière était dans l'attente d'avoir des éclaircissements, je pense qu'il y a beaucoup de personnes, de scientifiques qui sont allés faire des petits films pour essayer d'expliquer étape par étape les réponses qu'on pouvait donner, mais c'est vrai que c'est peut-être frustrant pour d'avoir une réponse comme je ne sais pas encore, on ne sait pas encore, alors que on peut attendre une formulation plus blanche ou noire. Enfin, le scientifique, c'est compliqué aussi. Vous ne trouvez pas qu'il y a un problème, pour le formuler différemment, qu'il y a un problème de compréhension de ce qu'est justement la démarche scientifique et le travail des scientifiques de la part du grand public qui attend de la science qu'on lui dise ce qui est vrai, ce qui est faux, c'est-à-dire d'arriver avec des réponses qui soient des réponses définitives et que tout cela n'a pas forcément été suffisamment bien expliqué ou pas bien compris. Qu'en pensez-vous, Hervé Schneeweis? Oui, je crois que c'est exactement cette confrontation entre les faits que nous avons et puis l'incertitude à laquelle nous sommes confrontés. Et l'incertitude à laquelle nous sommes confrontés, la science propose une démarche, propose une méthode en disant voilà, vous avez pris l'exemple des enfants, nous ne savons pas si les enfants sont ou ne sont pas infectieux. Donc, nous allons mener un certain nombre d'études, et les études, ça peut être des études sur la charge virale de l'enfant, ou ça peut être des études sur la transmission au sein des familles. Est-ce que ce sont les enfants qui contaminent les parents ou les parents qui contaminent les enfants? Et puis, au bout d'un certain temps, quand un certain nombre d'échantillons, quand un certain nombre de personnes sont analysées pour arriver à une valeur qui soit différente de l'erreur mathématiques qu'on peut calculer, eh bien, on arrive à quelque chose qui peut s'approcher de la vérité. Si on ne comprend pas la différence qu'il y a entre l'observation des faits et les incertitudes qui restent malgré ces observations, effectivement, on peut être face à des incompréhensions, mais je crois que on attend trop une révélation, une vérité révélée, alors que ce que propose le scientifique, c'est d'abord une démarche pour arriver vers l'établissement de certains faits. Mathilde Maillard, en un mot pour conclure, votre point de vue à ce sujet? Oui, moi je pense qu'en fait, il y a surtout de l'incompréhension auprès du public et de ce qui est le métier de la recherche, de ce qu'on fait au quotidien. Beaucoup pensent que de la recherche, ça se fait comme ça, qu'un médicament, ça sort comme ça. Et je pense que là où il faut travailler, c'est vraiment en amont sur la compréhension de ce qui est vraiment le processus de recherche. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de pression de la part des médias auprès des scientifiques. Et il faudrait améliorer cette compréhension de nos métiers. Mais écoutez, c'est ce qu'on va tenter de continuer à faire dans la méthode scientifique en règle générale, et jeudi prochain en particulier, où nous essayons d'interroger justement ce qu'il s'est passé dans le traitement médiatique de cette crise sanitaire. Comment est-ce que ça a été traité, suivi par les différents médias, qu'ils soient scientifiques ou généralistes? On reviendra longuement sur cette question la semaine prochaine. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Dorothée. Sauter Berthomieux. Merci Mathilde Maillard. Merci Hervé Schneweis d'être venu nous parler de ces conséquences de cette crise sur la recherche scientifique. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Antoine Beauchamp et Ève Etienne, Natacha Triou, Alexandra Delbonne, Amélie Naguet de Saint-Vulfran, Céline Lozen, Olivier Bétard à la réalisation et Déborah Dagobert à la technique. Demain, début d'un week-end spécial cinéma sur France Culture en lieu et place du Festival de Cannes. Nous en profitons pour revenir sur une des sagas de SF les plus fortes, d'autant qu'elle n'a pas été totalement éreintée par les studios. Il sera question de Blade Runner de Ridley Scott et de sa suite signée Denis Villeneuve. Ce sera demain à 16h. Et puis avant cela, on se retrouve à 8h55 pour la dernière radiographie du coronavirus de la semaine, jusqu'à preuve du contraire.